Nous abordons dans la deuxième partie un sujet qu'on pourrait quasiment qualifier d'actualité, l'influence du monde des morts sur le monde des vivants. Quand on parle de guerre ou qu'on parle des conflits avec l'Irak et les Américains, on s'attend à voir évidemment un certain massacre, un certain carnage. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, l'atmosphère de la guerre peut présenter des risques même qui peuvent s'étendre ici. Et on se pose plus de questions en ce qui touche la mort, et du moins, j'ai vu plus dans les journaux de ce temps-ci des ouvrages qui étaient écrits sur la réincarnation. Et évidemment, l'importance ou l'intérêt que les gens peuvent porter à ça peuvent demander des fois des lectures ou des documentations un petit peu plus poussées dans ces domaines-là. Ce soir, Bernard, j'aimerais qu'on étudie un peu l'aspect où, quand on parle du monde astral, vous avez déjà fait référence dans un de vos livres, La Genèse du réel, faites référence du monde de la mort, comme quoi il manipulait la pensée ou manipulait les masses, les collectivités. Dans quelle mesure la planète présentement est manipulée au point de se voir même interdire un espoir de futur ou une forme quelconque de futur du point de vue strictement humain? Dans quelle mesure ces forces dites astrales peuvent influencer des masses, des collectivités, des individus à vouloir faire ou vivre la guerre? Je pense entre autres au milieu arabe là, qui semble être prêt à s'engager à vivre cette expérience. Est-ce qu'il est possible de situer une influence dans la pensée de l'individu vis-à-vis ce phénomène que peut représenter la mort? Je pense à des gens qui ont à s'engager pour aller faire une guerre, un combat, une lutte et être menacé à un niveau quelconque physiquement. Dans quelle mesure un être peut être manipulé dans les conditions actuelles ou futures face à ces domaines que peut représenter la mort? La mort est très présente. Le monde de la mort ou le plan astral est très présent, très actif dans la conscience humaine pour un certain nombre de raisons. Premièrement, la plus importante raison, c'est parce que l'homme, même avec toutes les études qu'il a fait dans l'évolution de la pensée psychologique, ne connaît pas la racine de la pensée. La pensée, pour l'homme moderne, même pour les scientifiques, ça demeure encore un phénomène mystérieux. La pensée n'est nullement comprise ou vue ou interprétée dans le monde de la philosophie ou dans le monde de la science comme étant le résultat de communication suprasensible entre le plan matériel et les plans subtils. La pensée, pour l'homme, c'est un phénomène psychologique, c'est un phénomène mental qui est réellement très, très, très près de sa condition matérielle. Il se sent propriétaire de sa pensée. Et cette condition psychologique-là, elle est responsable du fait que l'homme n'est pas capable d'ajuster sa conscience. Si l'homme était conscient de la manipulation possible de la pensée, en tant que système ou médium de communication interplanaire, l'homme, à ce moment-là, en tant qu'être égoïque ou en tant qu'être plus égocentrique ou en tant qu'être plus centrique, serait à l'écoute, serait plus conscient de la désinformation qui s'exécute ou qui se passe ou qui se vit dans son mental psychologique. Et comme l'homme n'est pas conscient, comme je disais tout à l'heure, de la pensée étant un système de communication à tous les niveaux, il lui manque un outil d'investigation personnel pouvant lui faire reconnaître ce que je pourrais appeler la droiture de sa pensée. Et quand je dis droiture de sa pensée, je ne parle pas du vrai ou du faux. La droiture de sa pensée veut dire simplement l'intelligence de sa pensée. Et comme l'homme n'est pas outillé, mais à ce moment-là, il est obligé de fonder la qualité de sa pensée sur la polarité des formes ou des valeurs qui constituent la fondamentale ou la mise en structure de sa civilisation. Donc, les valeurs, par exemple, les valeurs judéo-chrétiennes vis-à-vis des valeurs islamiques, ainsi de suite. Et ça polarise l'énergie de son mental, et ajouter à ça le feu de l'émotion, ainsi de suite, et les passions, et tout ça, ben, vous finissez avec un homme moderne qui peut, selon la mémoire de sa race, selon les conditions occidentales de son temps, peut réellement envlimer, malgré lui-même, avec les meilleures intentions au monde, une condition planétaire. C'est ce qui se passe. Donc, l'homme est dans une condition qui est très particulière, dans ce sens qu'il a une conscience animale, intelligente. Par contre, il est infirmé par le fait qu'il n'a pas la science de la pensée. Il n'a pas la science du mental. Et cette science du mental ne peut pas lui être dictée par la civilisation. Il est obligé, pour y avoir accès, entrer en contact avec des filatures ésotériques ou des filatures hermétiques qui sont très restreintes sur la Terre, qui ne sont pas nécessairement affichées dans le monde des universités ou des grandes académies. Donc, ça fait en sorte que l'homme moderne a très peu accès à de l'information qui puisse lui donner un vantage point, un avantage sur la psychologie humaine environnante, planétaire. Le troisième élément, c'est que l'homme n'a pas encore, même sur le plan psychologique, de celui qui est en voie d'évolution avancée de conscience, l'homme n'est pas encore arrivé à un point où il est capable de faire la différenciation psychique entre la valeur psychologique du « je » et du « tu ». Du je et du tu. Ouais. Autrement dit, l'homme est encore incarcéré dans ce que je pourrais appeler la valeur prénominale du je et la valeur nominale du tu. Il est incapable psychologiquement de s'attribuer les deux valeurs en même temps ou de s'en dissocier dans un même temps. Pour prendre conscience de la médiumnité télépathique. C'est pour comprendre, là. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme est incapable de savoir, lorsqu'il pense, ouais, si c'est lui qui pense, si c'est une intelligence qui pense, ou si c'est lui qui parle, ou si c'est une intelligence qui parle. Donc, il est obligé de réfléchir ce qui est parlé pour en faire une pensée, et il est obligé de penser ce qui est parlé pour en réfléchir l'origine. Là. OK, oui. Donc, il est mal pris. Ouais. Mais ça se fait tellement naturellement. Ça fait partie de l'évolution. Ouais. Et si on fait des constats psychologiques ou psychiques à l'homme, qui est extrêmement rationalisé depuis le développement de la science et l'avènement de la psychologie, si on fait des constats de cette sorte à l'homme, dans le cadre des académies, il est très offusqué. Donc, pour l'amener à prendre conscience de la valeur intégrale de ceci, on est obligé de créer avec lui des tests psychiques. Et en général, lorsqu'un test psychique est fait à un être rationnel, automatiquement, il se crée en lui une grande turbulence, un grand trouble de l'esprit, et éventuellement, il commence, malgré lui-même, à entrer dans une voie d'évolution. Ouais. Par contre, il n'y a pas tellement de monde ou de personnes dans le monde qui sont psychiquement outillés pour soit entrer en contact avec l'homme à ce niveau-là ou pour faire ce travail avec l'homme à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui n'ont pas accès à cette science Et comme cette science n'a pas derrière elle le soutien ou le support d'une historique, d'une école, comme l'Euroscroix, par exemple, ou d'autres sociétés, à ce moment-là, l'homme est dans une situation qui est très limitée et qui ne sera remplacé que par la puissance vibratoire de certains écrits dans le monde qui apparaîtront dans le temps. Des écrits tellement puissants sur le plan vibratoire que ces écrits étant lus créeront le travail que l'homme normalement de bouche à oreille ferait s'il était dans un processus de rencontre avec d'autres individus dans le monde. Donc, il est évident qu'au cours de l'évolution des prochaines générations, il y aura des écrits dans le monde qui sont réellement, sur le plan psychologique, des œuvres qui atomiseront le mental, dans ce sens qu'ils feront éclater dans le mental des notions qui, d'elles-mêmes, l'homme pensant, ne peuvent pas venir de lui. Autrement dit, des notions qui ne se pensent pas. Et lorsque l'homme entrera en contact avec des notions qui ne se pensent pas, qui sont impensables, mais qui ont été écrites, à ce moment-là, il commencera à réaliser qu'il y a des gens dans le monde qui ne pensent pas, mais qui parlent avec d'autres plans, d'autres mondes, d'autres niveaux d'intelligence. Et à ce moment-là, la transmutation du mental de ces hommes en différentes langues pourra lentement s'établir et commencer à éliminer de l'inconscience humaine le fameux voile de la pensée subjective, qui est, extérieurement parlant, la plus grande illusion de l'ego humain animalisé sur la Terre. Le grand mur qui sépare la conscience individuelle, évolutive de la conscience individualisée évolutive. Moi, j'ai deux questions avec tout ce que vous dites. On voit que le « je », quand un individu se sent propriétaire de sa pensée, semble provoquer des conditions de manifestation ou d'expression de sa parole qui sont justement subjectives. L'autre aspect, c'est que comment on fait pour débarquer le « je » de la perception qu'on a quand on pense? On ne peut pas le débarquer parce que le « je » fait partie intégrale de l'illusion de l'ego. Donc, comme il fait partie intégrale de l'illusion de l'ego, l'ego doit être maintenu en équilibre émotif et mental afin que l'esprit puisse travailler à long terme avec l'évolution de l'âme. Si le « je » était éliminé de la conscience de l'homme instantanément, l'homme vivrait la folie instantanément, ce que certains ont connu dans le processus de la fusion instantanée. Donc, pour l'homme en évolution, le « je » n'est pas éliminé instantanément, mais avec le temps, il est réduit à une constatation qui permet à l'ego de ne pas pouvoir, dans le temps, s'approprier l'intelligence du moi qui utilise le « je » pour glorifier l'ego. Vous comprenez? Oui. Mais vous dites que si on débarque le « je », l'individu vient fou. Mais si on débarque le « je », l'individu n'a pas la possibilité de penser que la pensée... de penser que cette pensée vient de lui. Donc, je ne vois pas comment il peut vivre un déséquilibre à ce moment-là. Il fait simplement sentir qu'il y a quelque chose qui passe en lui. Pour que l'individu soit enlevé le « je », pour que le « je » soit éliminé de la conscience individuelle, il faut qu'il soit remplacé par un « tu ». S'il est remplacé par un « tu », il est remplacé par la personnalisation cosmique de l'ego à travers la conscience mentale éthérisée de son origine mentale, c'est-à-dire de son intelligence. Donc, à ce moment-là, l'ego est capable d'entrer en communication télépathique avec ce plan mental-là, où le « tu » fait partie de la conscience de l'ego, mais dans le cadre d'un échange créatif avec un « moi » qui n'est plus capable de « jeifier » son existence. À ce moment-là, il y a fusion. Donc, automatiquement, l'ego est protégé sur le plan du « je » de perdre l'esprit et de créer dans l'électricité de son mental et de son cérébral des courts-circuits qui l'amèneraient à la folie. Mais pour l'homme en évolution, le « je » ou l'élimination du « je » ou la transcendance du « je » ou la transmutation du « je » doit se faire avec le temps pour que l'ego puisse petit à petit prendre conscience de la coexistence du je et du tu sans que lui en tant qu'entité, parce que le je, qui est la partie mentale du moi ou l'expression mentale du moi, ne doit pas être menacé de mort psychologique ou de mort matérielle ou de mort sur le plan d'esprit. Donc, pour que le je soit maintenu en équilibre, il faut que le travail de transmutation du je en tu et le balancement ou le mouvement de flux et de reflux de cette personnalisation de l'ego se fasse lentement. Et c'est pourquoi l'homme de l'évolution, l'homme de l'avenir, qui vivra une transmutation psychologique de son ego, autrement dit, une transformation très prudente de son moi sur le plan psychique, le fera ou la vivra, cette transmutation-là, par rapport à sa source et non pas par rapport à son moi égoïque. Autrement dit, l'homme ne peut pas se protéger contre le cosmos. Non, il ne peut pas se protéger contre les énergies qui passent en lui et qui s'ouvrent en lui lorsque le « je » est subtilisé pour le « tu ». Il n'est pas. Il faut qu'il soit protégé par sa lumière. Il faut que l'énergie qui ouvre les centres de l'homme vienne de la couronne de la tête. Si l'énergie vient par en bas, c'est très dangereux. Si l'énergie vient par en haut, à ce moment-là, l'homme il est protégé par sa propre lumière, par sa propre source. C'est dans ce sens-là que Aurobindo avait raison quand il disait le Hatha Yoga. Dans le Hatha Yoga, l'énergie doit venir par en haut. Si l'homme travaille avec des énergies à partir de sa conscience prénominale, autrement dit, si l'homme travaille avec des énergies au niveau de son « je », de son « moi » égoïque, et qu'il commence à déséquilibrer ses centres et à faire vibrer astralement l'énergie de son mental, il va se produire en lui une connexion avec les plans astraux. Comme les médiums. Il va se créer une connexion avec les plans astraux, et à ce moment-là, il peut être très, très bon homme. Il peut être en communauté d'esprit avec des esprits qui ne sont pas nécessairement néfastes ou négatifs, mais qui peuvent être joueurs, qui peuvent être menteurs, qui peuvent être naïfs, qui peuvent être simplistes. Parce que un esprit dans le monde de la mort, d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre le monde de la mort et le monde de la matière. La seule différence, c'est que dans le monde de la mort, il n'y a pas de densité spécifique. Donc, dans le monde de la mort, les esprits s'amusent, les esprits travaillent, les esprits font toutes sortes de choses. Et comme ils sont libres de la corporalité, de la matérialité, ils ont accès facilement au cérébral de l'homme, ils ont facilement accès au centre psychique de l'homme. Et si l'homme leur donne accès à ces centres, ils les magnétisent. Et comme l'homme n'a pas accès encore à la science exacte de l'esprit, à la science exacte des plans, comme l'homme n'a pas une science, accès à une science exacte de tout ce qui fait partie du psychisme, il risque de vivre certaines expériences et de sombrer dans certaines naïvetés ou dans certaines exigences du monde astral. Il peut devenir victime de possession, ainsi de suite. Donc, nous sommes à un âge extrêmement lumineux et en même temps, nous sommes dans un âge extrêmement ténébreux. Et nous sommes en train de passer d'un âge à un autre. Nous sommes en train de passer de l'involution à l'évolution. Nous sommes en train de passer du jeu au-dessus. Nous sommes en train de réaliser la cosmicité de l'homme. Et pour le faire, nous sommes obligés, temporairement, d'être indiqués par certaines voies d'instruction, des méthodes à suivre qui ne peuvent être vérifiées que par nous, dans la mesure où nous avons suffisamment de maturité pour ne pas tomber dans le piège psychologique de l'ego qui veut à tout prix croire qu'il est investi d'une certaine certitude ou d'une certaine faculté dans son rapport avec l'invisible. Donc, ça prend beaucoup de maturité et c'est pour ça que la transmutation solaire de l'homme au cours de l'évolution sera lente, elle sera progressive et l'homme en arrivera éventuellement à pouvoir facilement passer de la conscience égoïque qui peut facilement rejeter le jeu pour prendre ou se vêtir du tu et à ce moment-là automatiser la rencontre entre le moi planétaire et le moi cosmique qui ultimement représentera la fusion de l'homme, le passage de la personnalité à la personne et l'individualisation intégrale de l'être, c'est-à-dire la connexion entre l'esprit, l'âme et l'ego, le corps. Quand une personne a accès à travers vos séminaires à cette espèce de prise de conscience, de dévoilement finalement que c'est pas nous qui pensons ou qu'il y a quelque chose qui passe par nous dans le phénomène de la pensée. Au moment où c'est démontré, où c'est dévoilé, il y a une espèce de prise de conscience qui nous donne en tout cas l'impression que c'est pour toujours, que cet état de conscience-là est pour toujours. En tout cas, je parle peut-être en mon nom, là. Mais comment se fait-il que le « je » revient avec force, avec le temps? Vous semblez dire que c'est pour permettre à l'individu de garder une certaine contenance, mais que dans des cas là, où vraiment on se sent bombardé mentalement par la pensée, on ne soit pas capable de revenir à cette prise de conscience qui, quand même, semble avoir été le moteur même, non seulement de votre rencontre, mais le moteur d'une prise de conscience d'une importance capitale dans la vie d'une personne, de se rendre compte finalement que nos pensées nous manipulent d'une façon ou d'une autre. Donc, quand on a un bombardement, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de désamorcer cette manipulation qui souvent nous attaque sur le plan émotionnel? Qu'est-ce qui se passe malgré le fait d'avoir déjà fait une prise de conscience comme quoi le jeu de la pensée vient d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes astralisés. Oui, mais comment se fait-il que ces forces astrales aient autant de puissance malgré la prise de conscience? Bon, quand je dis nous sommes astralisés, je ne veux pas dire nécessairement que l'homme, dans ces conditions-là, est affecté par des entités sur le plan astral. Autrement dit, un homme astralisé n'est pas simplement un homme qui vit un contact subliminal avec l'astral. Un homme peut être astralisé par sa propre source, pour tester jusqu'à quel point elle est astralisable. Okay. Donc, quand je parle d'astralisation, pour l'humanité en général, pour la grande masse humaine, l'astralisation se fait à partir des plans de la mort. Pour l'homme qui se conscientisera au cours de l'évolution, l'astralisation ne se fera pas nécessairement à partir des plans astraux, de la mort, mais se fera à partir du plan mental qui se servira de la mémoire, qui se servira de la personnalité, qui se servira des craintes, pour tester jusqu'à quel point l'homme est capable de supporter l'astralisation sans y croire. Supporter l'astralisation sans y croire. Ouais. Autrement dit, supporter l'astralisation, c'est savoir qu'on se fait jouer, mais savoir qu'on n'est pas jouable. Oui, mais ça n'empêche pas l'événement de se passer. Ça n'a rien. L'événement, c'est l'événement est simplement catalytique. Autrement dit, vous savez que vous vous faites jouer, mais étant suffisamment conscient, vous savez que vous ne pouvez pas être joué. Fait qu'éventuellement, l'événement change, le théâtre change, il se passe une bonne nouvelle le lendemain, vous sentez une cassure dans cette sorte d'énergie astrale, et vous sentez tout d'un coup que tout est normal. Hop. Ouais. Hier, vous étiez dans des nuées astrales abominables, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à vivre votre conscience normale, créative, vous êtes totalement bien. Aujourd'hui, vous êtes totalement bien, je ne dis pas que vous êtes heureux, vous êtes totalement bien, mais hier, vous étiez dans une sorte de confusion astrale puissante. De guerre. Puis aujourd'hui, alors l'homme va devenir habitué à ceci. L'homme va... L'astral, c'est un peu comme... Hitchcock avait une bonne définition du bonheur. Hitchcock disait, être heureux, c'est quand il n'y a jamais de nuages dans le ciel. Donc, être conscient ou... Non. Je vais le dire d'une autre façon. Ne pas souffrir de l'astral, c'est quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. Bon. Nous vivons sur une planète où, en général, il y a des nuages qui passent de temps en temps. Alors, un homme qui serait conscient, il sait qu'il y a des nuages qui passent, les nuages passent, donc il est astralisé. Il n'a pas le pouvoir de les faire éclater, les nuages. Mais il a la conscience que derrière les nuages, il y a le bleu planétaire, atmosphérique, du ciel. Il n'y a pas un homme qui vit l'illusion qu'aujourd'hui, bon, il y a des nuages, il n'y a plus de soleil. Ça prendrait un être réellement abysmal pour penser comme ça. Donc, un homme moderne sait que demain, bon, peut-être ça va se passer. Mm-hmm. Au niveau de l'astral, c'est la même chose. L'homme, quand il vit l'astral, que ce soit un astral qui vient réellement de l'astral ou que ce soit des pensées qui sont intelligemment orchestrées de façon astrale pour tester... La, la, la vibration supérieure de l'ego, ou du moi, qui se conscientise, à ce moment-là, ok, il se laisse astraliser, mais oui, il ne peut pas faire autrement, mais il sait que derrière ça, il y a le ciel, il y a le bleu du ciel, derrière les nuages. Mais ce qui arrive avec les gens, c'est que quand ils vivent l'astral, surtout s'il est réellement épais, le nuage, il y a des gens qui se déconfiturent tout de suite. Les culottes leur tombent, la dépression, tout se produit. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience pour comprendre que même si c'est une grosse pluie torrentielle de merde, c'est temporaire. Parce que même en pensant, ça sent des fois. Parce que même quand ils le pensent, ça sent. C'est justement. Mais c'est fort. Je veux dire c'est très fort. Effectivement, c'est très fort. Effectivement. Et c'est ça qui fait partie de l'inconscience de l'homme. Donc, si vous ne savez pas ça, imaginez-vous ce que vous ne savez pas. Et si vous savez ça, imaginez-vous ce que vous ne savez pas encore. Mais il n'y a pas de technique pour désamorcer une pensée qui nous fait vivre une vibration. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Oh, c'est intéressant. Il y a des techniques. Mais oui, la méditation, c'est une technique. Il y a toutes sortes de techniques. Mais des techniques, ce sont des techniques. Ouais. Des techniques, ce sont... Qu'est-ce que c'est une technique? Une technique, c'est une méthode, c'est une manière, c'est une utilité, un outil pour l'ego qui lui permet temporairement de relaxer. Okay. Mais il ne s'agit pas pour l'ego de relaxer temporairement. Il s'agit pour l'ego de ne jamais être amené à ne pas pouvoir relaxer, quel que soit ce qui se passe. Alors, si vous êtes dans une guerre où vous faites de la méditation, vous êtes dans un restaurant, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez être obligé de vous asseoir le cul à terre et faire la méditation. Alors, il y a des moments dans la vie où tu ne peux pas méditer. Tu ne peux pas méditer quand tu es dans un avion en guerre, tu ne peux pas méditer quand tu es dans un restaurant et les clients veulent le sandwich. Il y a des toutes sortes de places dans le monde où tu ne peux pas méditer. Et c'est justement dans ces temps-là où, effectivement, il faut que tu saches qu'il y a derrière le nuage le ciel. OK. Bon, le seul fait... Remarquez bien que je ne critique pas la méditation. C'est extraordinaire comme outil. Mais je parle de conscience, je ne parle pas de technique psychologique qui nous permet de bénéficier un peu de la spiritualisation astrale de notre conscience. Je parle de la conscience qui fait partie de l'intelligence de l'homme, de l'intelligence de l'ego, qui connaît les lois de l'esprit, les lois de la pensée, et qui connaît réellement le territoire occulte, ou occulté, ou hermétique, qui peut être utilisé par des entités astrales ou par son double qui cherche constamment à travailler le terrain pour en arriver éventuellement à une unité, à une individualisation de l'âme. Bon, la manipulation du double, vous semblez dire que c'est pour son développement, son évolution. La manipulation de l'astral, c'est quoi son objectif? Quand l'astral ou le monde, la mort, veut manipuler par la mort... Ah, ben ça fait partie des lois du monde de la mort. Comment on peut faire la différence? Comment on peut savoir qu'on est manipulé par une dynamique astrale ou qu'on est manipulé par une dynamique de l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de le reconnaître? Pour les hommes, c'est difficile. Ce que l'homme devrait faire quand il est manipulé, que ce soit d'un plan ou d'un nom, de savoir qu'il est manipulé. Autrement dit, quand tu n'es pas intelligent dans ta tête, bon, je vais vous dire quelque chose. Quand l'homme vit des pensées qui le font souffrir, que ces pensées viennent de l'astral ou que ces pensées viennent du double, ce n'est pas de l'intelligence. De l'intelligence, ça ne fait pas souffrir. De l'intelligence, ça crée. De l'intelligence, ça rassure. De l'intelligence, ça harmonise. Toute forme de pensée qui n'est pas de cette nature, dont la fonction n'est pas de ce calibre, est une forme de pensée utilisée par un plan quelconque d'intelligence, que ce soit le plan mental ou le plan astral, pour soit l'utilité du plan astral dans le cas du monde de la mort, ou pour l'utilité dans le cas du plan mental pour la transmutation de l'ego. D'une façon ou d'une autre, c'est de la manipulation, et d'une façon ou d'une autre, l'homme doit savoir que c'est de la manipulation, et avec le temps, il en arrive à réaliser que c'est de la manipulation. Avec le temps, il en arrive à savoir que c'est de la manipulation. Où tu souffres, où l'homme souffre. Quand l'homme souffre, c'est de la manipulation. Effectivement, si cette manipulation vient du plan mental, elle peut être extrêmement subtile, extrêmement utile, extrêmement créative. Donc, elle fait son travail pareil, parce que c'est fatigant. Par contre, l'homme doit être suffisamment intelligent pour savoir qu'il se fait un travail pur et simple. La source fait son travail. Mais l'ego, lui, doit être suffisamment conscient pour savoir que la source fait un travail. À ce moment-là, il se libère de la tendance à s'assujettir à la qualité astrale de la pensée. Par contre, si cette pensée, elle est le produit d'une communication subliminale avec le plan astral des entités ou du monde de la mort, à ce moment-là, le niveau de conscience est très inférieur, et à ce moment-là, ça fait partie de l'évolution de l'homme, et un jour, l'homme en arrivera à se libérer de ses contacts inférieurs avec sa conscience, et à ce moment-là, son intelligence ou ses pensées deviendront plus lumineuses, et le contact avec le double se fera, ainsi de suite. Mais ce n'est pas important que l'homme sache si ses pensées viennent de l'astral ou viennent du plan mental, parce que là où il y a souffrance, là où il y a manipulation, que ce soit d'un plan ou d'un autre, ça n'a pas d'importance. Okay. Alors, je vous arrête parce que ce sont des points importants que je veux faire. Ce qui est important pour l'homme, c'est de savoir que quand il souffre dans sa tête, il est manipulé. Alors, un homme qui serait réellement conscient de la qualité absolue de ceci pourrait actualiser sa conscience, pourrait vibrer sa conscience, pourrait réajuster sa conscience, même si sur le plan mental il est manipulé par des pensées pour des raisons d'évolution. Moi je le vis, faut pas vous imaginer que je ne vis pas je ne vis pas des pensées probablement comme l'homme le vit, mais je vis des communications qui très souvent me cassent les pieds. Par contre, je connais tellement le jeu de ces communications-là que je n'y arrive pas si facile, et à ce moment-là, je coupe la communication, et lorsque je suis arrivé dans un certain temps où je ne suis plus intéressé à vivre de ces communications-là, je suis capable de couper la communication à un point où, même sur le plan mental, ils ne sont pas capables de me parler parce que j'ai moi-même figé dans mon propre temps les corridors d'énergie qu'ils utilisent pour la communication télépathique avec moi. Donc, l'homme, c'est un être libre. L'homme peut même en arriver un jour à pouvoir, s'il le veut, à volonté, se mettre dans un état mental de cessation intégrale de pensée. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne te fais plus baver dans la tête par des êtres ou des intelligences ou des plans, que ce soit des plans astraux, rendus à ce niveau-là, ce sont des plans mentaux, mais même sur le plan mental, sur le plan des architectures, on ne te casse plus les pieds, parce qu'on sait que ça ne fait plus rien. Donc, pour eux, ça devient de l'énergie perdue. Mais ils sont très intelligents. Ils vont créer des conditions particulières. C'est très intelligent de l'intelligent. Ça doit. Ils peuvent créer des conditions très particulières. Et à ce moment-là, ils vont tester encore pour voir jusqu'à quel point l'homme a un mental de granit. Et lorsque l'homme a un mental de granit, à ce moment-là, il n'y a plus de travail à faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, à ce moment-là, il y a coupure de communication jusqu'à ce qu'il la réutilise, la communication, simplement au niveau verbal. Mais intérieurement, il n'y en a plus. Donc, à ce moment-là, tu es bien. Quand vous coupez la communication, vous ne pensez plus. Ça ne pense plus. Quand vous coupez la communication, il n'y a plus de pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication. C'est au-delà de la pensée. Il n'y a plus de communication. Okay. Parce que pour un être conscient, de la pensée, ça n'existe pas en soi. Il y a de la communication. OK. Bon, on va prendre le mot communication. Quand il n'y a plus de communication, est-ce que concrètement, dans la vie, vous êtes capable de continuer à fonctionner? Mais oui, vous continuez à fonctionner parce qu'il y a l'énergie de la communication. La communication, c'est simplement la manifestation... C'est simplement la manifestation formelle de l'énergie. Mais derrière la communication, derrière la forme, il y a l'énergie. Pourquoi les gens ont l'impression que pour prendre... Là, vous me parlez. Là. Quand vous me parlez, vous ne pensez pas ce que vous me dites? Non. Vous parlez? Oui. Bon, vous pourriez me dire la même chose, le recevoir dans le mental et le dire, mais au lieu de le recevoir dans le mental et le dire, vous le dites directement. C'est donc, ça. Vous ne vous préoccupez pas psychologiquement de la forme, vous simplement la manifestez créativement par la parole. Mais je pourrais dire que la parole, c'est de la communication. La parole, c'est de la communication matérialisée à travers le mental qui ne se sert pas de l'ego pour réfléchir la pensée. Oui. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui pensent et qui prennent une décision, disons, par après avoir. Ah, ça, c'est pas pareil. Si vous pensez que vous prenez une décision par après, vous pensez d'abord et vous prenez une décision par après. Ça, ça fait partie de la qualité de votre mental. Comme l'homme peut prendre une décision instantanément sans jamais avoir à penser à la décision. Oui. La raison pour laquelle les gens pensent et prennent la décision par après, c'est parce que les gens sont inconséquents avec la qualité créative absolue de leur mental. Ils sont incapables de réellement appliquer ou mettre le pied dans le vide de leur mental parce qu'ils ont l'insécurité de se tromper ou de faire une erreur. Mais un homme qui serait conscient, il n'a pas besoin de penser avant pour faire l'action. Il fait l'action, point final, sachant dans qu'il fait l'action qu'il ne se trompe pas. Mais pour faire l'action sans avoir à penser avant, à la réfléchir, pour s'assurer de la validité de l'action qui vient après la pensée, il faut avoir un mental suffisamment sécure, c'est-à-dire une émotivité qui est à sa place et une mentalité qui est à sa place. Bon, un individu qui ne pense pas, comme vous dites, là, c'est un être qui n'est pas manipulable. Un individu qui ne pense pas ne peut pas être manipulé parce qu'il ne peut pas on ne peut pas utiliser la pensée et la faire réfléchir dans sa conscience. Si vous, vous me dites, grossièrement, mange de la merde. Mm-hmm. Supposons que vous me disiez ça, mange de la merde. Il ne se produit rien dans ma tête. Mm-hmm. Je ne penserai même pas dans ma tête de vous dire, mange-en toi aussi. Parce que si je pense dans ma tête, mange-en toi aussi, à ce moment-là, je vais commencer la polarité de cette parole grossière. Et à ce moment-là, peut-être parce que j'ai eu des bons sentiments avec vous, apparemment, je vais dire, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, donc je vais me sentir coupable, patata. Tandis que si vous me dites ça, moi, il se passe rien. Je vais peut-être rire, je vais peut-être dire c'est intéressant que vous me dites ça, mais je vais pas penser à ça. C'est que vous le percevez pas au niveau du jeu. Je ne le perçois pas au niveau du jeu. Bon, mais si deux personnes qui se rencontrent et puis qui ils sentent un peu comme une tension et puis ils sentent qu'ils vont en arriver à une escalade de mots puis de gros mots, s'ils sont capables de dire ce que tu dis et ce que je dis, c'est pas de moi que ça vient, ça me passe dans le cadran, ça passe à travers moi. Est-ce que c'est suffisant pour couper la communication qui aurait tendance à les manipuler vers une escalade d'agressivité ou de rapport de force? Oui. C'est suffisant pour les engager créativement à tester de façon absolue la qualité mentale de leur énergie. Autrement dit, une personne qui ferait ça, avec une autre personne qui ferait de même, les deux seraient obligés de constater inévitablement qu'au fur et à mesure où ce processus-là prendrait place, qu'il se manifeste de l'intelligence de part et d'autre, et les deux seraient obligés d'annuler de part et d'autre la perception égoïque de leur créativité. Donc, les deux seraient des êtres en voie d'évolution créative, un par rapport à l'autre. Personne ne prendrait la prérogative du vrai ou du faux. Donc, ça mettrait par terre tout le processus de la vindication, d'avoir raison. Et ça permettrait à ce moment-là à ces êtres-là de réellement commencer à échanger. Et avec le temps, ils deviendraient réellement maîtres là-dedans. Et ils en arriveraient à faire ce que j'appelle de l'interface au lieu du face-à-face. Donc, c'est une technique, on peut parler d'une. Ce n'est pas une technique, c'est un mouvement créatif qui vient de l'esprit, qui peut être utilisé par l'ego pour en arriver à constater que tous les hommes sont intelligents, à quelque niveau qu'ils soient dans l'évolution de leur conscience, dans la mesure où vous leur donnez le droit absolu de s'exprimer absolument. OK. Bon, mais donner le droit absolu à l'autre de s'exprimer, est-ce que c'est possible intégralement que si on reconnaît que l'autre, dans son expression, ne fonctionne pas sur un jeu? En d'autres termes, si je rencontre une personne qui fonctionne au niveau un peu de la personnalité, mais je lui reconnais, moi là, je lui reconnais que ce qu'il m'affirme ou ce qu'il me parle, ça ne vient pas de son jeu personnel, mais il y a quelque chose qui passe à travers sa personnalité, qui peut être coloré, mais qui, dans sa substance, vient quand même d'un fondement d'intelligence. Si je reconnais ça, est-ce que c'est suffisant pour que la personne puisse amorcer, même si elle ne le voit pas le jeu, mais moi je le vois pour elle, là. Est-ce que c'est suffisant pour amorcer un dialogue de la qualité dont vous parlez, là, l'interface? Ou si ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce que la personne va quand même... Ça va prendre du temps, elle va être obligée de passer par le développement de certaines humeurs par rapport à vous, dans ce sens que elle va être amenée graduellement à réaliser que vous êtes un chic type, que vous êtes gentil, que vous n'êtes pas combatif, que vous n'êtes pas en compétition, et avec le temps, elle va entrer en sympathie vibratoire avec vous. Donc ça va être plus long. Par le biais du sentiment, en premier. Par le biais du sentiment, oui. Oui. Mais oui. Ça ne va pas nécessairement lui permettre de perfectionner ce processus-là. Pour perfectionner ce processus-là et le mettre en marche d'une façon créative et d'une façon absolue, il faut, quelque part dans le temps, d'abord savoir qu'il existe, et deuxièmement, l'actualiser quelque part dans le temps avec des gens que l'on connaît. Et à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement que c'est très facile de parler avec l'homme dans la mesure où les deux hommes jouent la même game, c'est-à-dire où les deux hommes respectent la même loi de l'esprit. Si les deux hommes ne respectent pas la même loi de l'esprit, à ce moment-là, il y en a un qui va s'essouffler à attendre l'autre. OK, je comprends. Là, tout le monde, on a dit un soir, c'est pas nous qui est, comment je dirais ça, responsable du jeu de la pensée. Là. Le jeu, il nous a été imposé pour avoir une certaine contenance. Le jeu fait partie de l'illusion psychologique de l'ego pour le développement évolutif du libre-arbitre qui fait partie de la constatation ou de l'observation du jeu ou du moi dans la matière qui permet à l'homme de maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps matériel afin de ne pas sombrer dans l'insanité qui est le partage de ces deux fonctions, matérielle et psychique. Donc, le jeu, en réalité, est simplement une des grandes illusions universelles qui a été créée pour le développement de l'ego. Et au cours de l'évolution, à partir du moment où l'homme entrera en contact avec les plans universels du mental, il sera amené à réaliser l'illusion de ce jeu-là. Et à ce moment-là, il ne souffrira plus dans sa conscience égoïque. Il ne souffrira plus dans sa personnalité. Il y aura une conscience mentale créative. Bon, le seul fait de savoir ce que vous venez de dire, est-ce que c'est suffisant pour déclencher le désamorçage progressif de l'importance qu'on accorde au jeu? Parce que moi, je vois toujours dans le jeu de la pensée une décision en bout de ligne qui fait agir l'individu en ayant l'impression qu'il est propriétaire encore là de la décision et se donne de l'importance dans la décision. Tu sais, la personne dit, la pensée que j'ai, c'est ma pensée. Ils ont même des droits d'auteur sur la pensée des individus. Et puis, à travers cette pensée-là, l'individu agit, pose des actes, et se dit encore là propriétaire de l'acte. Et donc, par conséquent, responsable de l'acte. Bon, est-ce que le fait de savoir que la pensée ou la communication qu'on a vient de d'autres plans, que nous autres, finalement, on est des exécutants de cette communication ou pensée, est-ce que c'est suffisant pour que l'individu voit dans ses actes, dans ses activités, dans ses décisions, voit que finalement il est un élément exécutant et les gens autour de lui la même chose? Est-ce que c'est suffisant pour voir ça? Ou s'il faut absolument passer par le biais des déceptions, des tourments, de l'impression de s'être trompé dans une décision ou dans une pensée, quoi que ce soit? Est-ce qu'il faut absolument traverser toute la souffrance de la polarité pour comprendre que le jeu est inutile? On peut-tu faire un bypass? On peut-tu couper à travers, comme on dit? Le fait simplement de le savoir. Ça serait l'équivalent d'une fusion instantanée, à ce moment-là? Le fait de le savoir prépare l'ego à l'expérience possible de la réalisation. Ah, OK. Première étape. Le fait de le réaliser permet à l'ego de se sensibiliser à ce que d'autres savent et qui ont dit. Le fait de se sensibiliser à ceci ou le fait de se sensibiliser à une science exacte ou à une instruction quelconque qui viendrait de quelque part dans le monde permet à l'homme, à l'individu, de tester la validité universelle de cette science. Donc, ça lui permet éventuellement d'universaliser sa propre validité par rapport à lui-même. Donc, après ça, l'homme est seul dans le grand événement de son évolution cosmique universelle. Donc, il a des preuves à rencontrer. Autrement dit, il faut que l'homme soit aidé. Bon, l'homme est aidé. Il y a des hommes dans le monde qui peuvent aider l'homme à mettre le doigt sur des aspects réellement très hermétique de l'évolution de la conscience humaine, de la pensée égoïque. Bon, il y a des hommes dans le monde qui ont cette faculté, cette vibration. Bon, alors, ces hommes-là s'acheminent, l'information sort, il y a des hommes qui entre en contact avec, la diffusion se fait, l'homme éventuellement est mis en l'ego éventuellement est mis en situation de test. Comme la vie de chaque homme est connue, comme la programmation est universelle, à ce moment-là, un homme peut être en Afrique et entrer en contact avec un autre homme qui va lui amener l'élément nécessaire pour l'ouverture de son propre esprit. Ça, on sait. Chaque homme rencontre l'homme de sa mesure. Et si la science, ou cette science qui est très précise, très exacte, vient en contact avec l'homme, éventuellement, à cause de la précision de cette science et de la qualité absolue de son origine, l'homme, dans le temps, sera amené à constater par lui-même que la validité de cette science est en fonction de sa propre capacité de l'éprouver elle-même dans son rapport intérieur, personnel, avec l'origine de sa pensée. Je donne un exemple. L'homme peut aller chez lui le soir et dire « Bon, on va tester ça pour voir si c'est vrai. » Ce qui est dit quelque part dans le monde. Bon, il s'en va dans sa cuisine, puis il fait une réflexion intérieure, puis il entre dans sa tête, il dit « Comment ça va? » Puis il a une réponse « Mange la mal. » Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la conscience de l'ego? Le gars va dire « Ben, c'est pas moi qui m'ai dit ça. » Donc, ça vient de quelque part. Donc, il va se produire un processus, là. Alors, effectivement, s'il a une réponse aussi grossière que celle-ci, il est probable qu'il soit en contact avec des entités astrales qui ne veulent pas que l'homme découvre le secret de la pensée. Si l'homme a été en contact avec l'astral depuis les temps immémoriaux, les Atlantes, les Égyptiens, les Hindous, les Rishis, les Grecs, les Romains, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, ça fait quelques centaines d'années qu'on commence à rationaliser le contact entre l'homme et l'invisible et à formuler d'une façon beaucoup plus logique. Mais si l'homme avait été en contact avec l'invisible pendant si longtemps, et qu'il avait été en contact avec un invisible mental, c'est-à-dire avec un monde qui ne fait pas partie du monde de la mort ou du monde de l'expérience de l'âme, l'homme aujourd'hui, après ses siècles et ses siècles de contact avec l'invisible, serait arrivé à un point d'évolution tellement avancé que des hommes comme moi n'existeraient pas sur le plan matériel. L'humanité serait consciente. Donc, l'astral, pendant l'évolution, n'a jamais servi. D'ailleurs, Kardec avait entièrement raison quand il disait « On ne demande jamais au monde des esprits la vérité. Hein? » On ne demande jamais au monde des esprits de la vérité parce que la vérité, ça fait partie de l'astralisation de la pensée pour le réconfort psychologique de l'ego dans le monde de la matière. Donc, si le monde astral ne peut pas donner à l'homme l'équivalence psychique, mentale, créative de l'intelligence, parce que ça fait partie du monde de la mort, donc ça fait partie du monde de l'expérience de l'homme, donc ça fait partie du monde de l'homme en dehors du corps matériel, ce qu'on appelle les désincarnés, il est évident que pour que l'homme ait accès au réel, c'est-à-dire à toutes ces zones d'intelligence qui sont en dehors de la vérité et du mensonge, il est obligé de substituer à la connivence des forces astrales le « je » pour le « tu », le jour où il a la maturité, la force et l'équilibre psychique nécessaires pour supporter une présence nouvelle en lui qui est son esprit. Si l'homme est capable de faire ceci, la partie, elle est gagnée au niveau de l'évolution. La partie, elle est gagnée sur le plan de l'évolution de la conscience cosmique sur la Terre. Le reste, c'est simplement a matter of time. C'est une affaire d'évolution de temps, de prise de conscience, d'élargissement de ses facultés psychiques, développement de ses centres psychiques, l'ouverture de ses centres psychiques, ainsi de suite. C'est un travail qui se fait directement entre la source et l'homme. L'homme commence déjà à être libre et l'évolution embryonnaire du surhomme est en voie de développement. Mais si l'homme n'est pas dans le temps, qu'il soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle zone, de n'importe quelle race, si l'homme n'est pas dans le temps amené à être en contact direct avec des sources d'informations qui ne sont pas astralisables, c'est-à-dire qui ne sont pas définissables selon la loi du vrai et du faux, selon la loi de la spiritualité des nations, selon la loi de la spiritualité des âmes raciales, c'est-à-dire de ce que je pourrais appeler des forces vives, latentes des nations qui supportent l'immondice astral de tous les hommes sur la Terre et qui leur enlèvent l'intelligence des mystères. À ce moment-là, c'est impossible pour l'homme de passer de la conscience planétaire involutive à la conscience planétaire cosmique morontienne. Donc, il est évident que l'homme nouveau, appelez-le comme vous voulez, l'homme du nouvel âge, sera obligé par lui-même, de structurer sur le plan matériel, à partir du moment où il est dans une enveloppe matérielle, de structurer des formes de sagesse, des formes de science, que vous pouvez appeler des formes de pensée, à la mesure de son pouvoir créateur, c'est-à-dire à la mesure de sa liberté mentale, c'est-à-dire à la mesure de sa capacité de ne pas nager ou de ne pas renager avec les anciennes ambitions astrales de l'humanité, qui sont les mémoires de l'homme. Mais pour un être humain, de ne pas vivre les mémoires de sa race, c'est quelque chose d'absolument difficile. Regardez les grands peuples qui ont de grandes histoires, les peuples qui ont souffert, les peuples qui ont écrit dans le sang leur histoire, ou qui ont paginé leur histoire, comme les Arabes, les Juifs, des peuples absolument extraordinaires, mais des peuples qui ont été tellement polarisés par l'énergie de leur grande spiritualité qu'ils ne sont plus capables aujourd'hui de voir au-delà de la conscience ancestrale qui fonde son empire sur l'homme dans la polarité du bien et du mal. Et nous avons ces deux grandes races, ces deux grands chics du désert, ces deux grands esprits du désert, des batailles qui ne finissent plus. Donc, il faut que, il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement pourquoi le conflit qui se produit dans le monde, ainsi de suite, et j'ai répondu à cette personne que le conflit dans le monde aujourd'hui, il est nécessaire pour la destruction de l'esprit moyenâgeux de l'humanité. Autrement dit, il existe dans le plan astral aujourd'hui des forces qui font partie de l'esprit moyenâgeux de l'humanité. Ces forces sont des âmes désincarnées qui contactent de façon par le biais de l'intuition des êtres ouverts à l'esprit, à l'exploitation de l'esprit, ainsi de suite, par le truchement des religions, par le truchement des différentes formes d'éthique. Et ces forces-là doivent être neutralisées dans la conscience de l'homme pour que l'homme puisse passer au 21e siècle. Donc, le conflit mondial aujourd'hui, qu'il soit terrible, d'ailleurs il doit l'être, parce que l'humanité a besoin d'un choc. L'humanité ne peut pas passer d'une conscience évolutive à une conscience nouvelle. L'humanité ne peut pas passer au 21e siècle sans abattre le territoire moyenâgeux astral de l'évolution. Donc ce qui se passe aujourd'hui est écrit sur le mur et va être vécu. Les hommes n'ont même pas le pouvoir d'en changer la substance et les conditions et les événements, parce que les hommes sont déjà, ils font déjà partie de la programmation collective de la Terre. Donc, que ce soit George Bush, ou que ce soit Saddam Hussein, ou que ce soit le PLO, que ce soit n'importe qui, les hommes jouent dans le monde un rôle, et ce rôle, il fait partie de la programmation de la Terre, et les évolutions futures au niveau des événements sont déjà marquées, et il n'y a pas d'hommes sur la Terre. Même si on dit, il y a des gens qui disent des fois, ils ont demandé une fois à Glenn, l'astronaute Glenn, si l'homme pouvait changer son destin. Et il y a des gens, des mystiques aujourd'hui, ou des gens qui raffolent de certaines spiritualités, qui vont dire, oui, l'homme a le pouvoir de changer son destin. L'homme a le pouvoir de changer l'avenir. La seule chose que l'homme peut changer de l'avenir, c'est ce qu'il croit de l'avenir. Ce qui est sûr de l'avenir, l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas, et l'homme ne le saura jamais. Parce que dans les grandes zones, ou dans les grands temps de tribulation, dans le temps où le cosmos se mélange au planétaire, dans le temps où les grandes forces cosmiques interprètent et manipulent et organisent l'événementiel qui a été préparé depuis des siècles et des millénaires, chaque homme est à sa place, chaque événement est à sa place, et comme le disait le Nazaréen, il n'y a pas un cheveu de la tête de l'homme qui tombe sans l'appui du Père. Donc, autrement dit, ça veut dire que tout est connu, tout est su. Donc, si l'homme sait ça, à ce moment-là, il poursuit son chemin. Et s'il poursuit son chemin en dehors de la crainte égoïque, psychologique, par rapport à ces événements qui font partie de l'évolution de la Terre, qui font partie de la transmutation de la conscience de la Terre, qui font partie de l'élimination, finalement, de la conscience ancestrale de l'homme, qui est représenté aujourd'hui par la grande cacophonie des idées bercées dans le moyenâgeux des valeurs humaines ancestrales. À ce moment-là, l'homme n'a aucun problème. Il continue son petit chemin. Et c'est pour ça, pour rappeler encore ce que disait ce grand homme, le Nazaréen, si vous êtes sur la montagne, descendez pas dans la vallée. Restez là. Autrement dit, mettez-vous dans vos crises d'affaires. Merci, Bernard.